Microcité vous propose aujourd'hui d'écouter des extraits d'une conférence donnée par Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique, le 23 novembre 2005 dans le cadre du Festival des Libertés. Cette conférence portait sur le thème développé dans Le Grand Bond en arrière, livre paru chez Fayard en mars 2004. Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde. C'est Microcité. Oui, c'est Microcité. Donc depuis 30 ans, une force a grandi, les marchés et ceux qui les servent, marchés financiers, marchés de produits, et cette force est désormais présentée à l'égal d'une loi naturelle devant laquelle les responsables politiques n'ont plus qu'à s'incliner. Mais si cette force s'est déchaînée, c'est surtout depuis que les États ont rompu ses chaînes pour lui permettre d'aller dans une direction précise, connue d'avance, en invoquant ensuite la force du destin. Or, ce sont des politiques particulières décidées avec des intentions précises qui ont débouché sur la situation actuelle. Ça n'est pas une fatalité qu'on pourrait nommer, comme on le nomme souvent d'ailleurs, dans les médias et ailleurs, mondialisation, troisième révolution industrielle, village global, essor des valeurs individualistes, désir d'autonomie, pour reprendre les explications qu'on entend le plus souvent. De plus en plus, les responsables politiques, au pouvoir, les décideurs économiques et les médias ignorent ou cherchent à dissimuler cette réalité du capitalisme financier. La part d'intention qui a débouché sur le monde dans lequel nous vivons, un monde dans lequel la fortune des milliardaires, des millionnaires en dollars atteignit à la fin de l'année 2003 28 800 milliards de dollars, soit davantage que la richesse annuelle produite par les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Un monde où 0,2% de la population mondiale, environ 12 millions de personnes, contrôle la moitié de la capitalisation boursière de la planète. Et où simultanément, comme vous le savez sans doute, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Ce monde n'a pas été produit par une fatalité, mais par une volonté. Il est le produit d'une grande transformation, aussi considérable, mais à rebours, que celle qu'on avait connue à partir des années 1930 et qui avait donné naissance, un peu partout dans le monde occidental, à des États-providence. Lorsqu'on a interrogé le président de la République française, Jacques Chirac, il y a quelques années, en 1997, sur la fermeture des usines Renault à Vilvorde, le chef de l'État, qui était à l'époque en voyage officiel au Brésil, avait expliqué, je le cite, et je rappelle qu'à l'époque l'État était l'actionnaire majoritaire des usines Renault, et que lui était, il est toujours le chef de l'État, donc il avait expliqué, je le cite, « La fermeture des usines, c'est aussi, hélas, la vie. Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux, les hommes, et les entreprises aussi. Moi, j'ai connu, quand j'étais petit, des maréchaux ferrants. J'ai même travaillé chez un maréchal ferrant, il n'y en a plus, ils ont disparu. Ce n'est pas pour autant que la civilisation a régressé, c'est la vie. » Fin de citation. Depuis 30 ans, et plus encore depuis les années 80, la vie, c'est l'accélération permanente de la dynamique inégalitaire, c'est-à-dire la remise en cause de ce qui, pendant les décennies précédentes, avait paru caractériser la marche des sociétés occidentales et au-delà, l'idée d'un progrès social, travailler moins, vivre mieux, l'idée d'une réduction des inégalités, l'idée d'un enrichissement des catégories populaires, d'une sécurité plus grande face à la maladie, au chômage, à la vieillesse, d'une mutualisation des risques, l'idée d'un accroissement du temps libéré sur le devoir de produire, congés payés, semaines de 40 heures, puis de 35 heures. L'idée aussi d'un contrôle de l'économie par la finance, par la puissance publique et par le suffrage universel, y compris au moyen d'entreprises publiques ou nationalisées, contrôlées par la représentation populaire. Or, on assiste depuis quelques années, presque partout dans le monde occidental, à une amputation progressive de chacune de ces conquêtes sociales et démocratiques, aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Australie, en France, en Italie, etc. Et ce à quoi on assiste, c'est au fait que les trois piliers de l'État social sont attaqués à la fois. Premier pilier, la protection sociale. Ce sont les retraites retardées. Bientôt, ce sera 67 ans en Allemagne, c'est déjà 65 ans en Espagne. Santé payante, allocation chômage soumise à un dispositif punitif de surveillance et de travail forcé. Deuxième pilier, les services publics qui sont privatisés ou détricotés au profit du privé. Troisième pilier, les politiques économiques de soutien à l'activité et à l'emploi. Ces politiques qui devaient garantir le droit au travail, qui sont sacrifiées au combat permanent contre l'inflation et à la guerre au salaire, perçue comme facteur de délocalisation et de chômage. France Télécom est privatisée, tout comme l'entreprise publique de téléphone australienne Telstra, dont on apprenait il y a quelques jours qu'en attendant d'être privatisée, elle allait supprimer un emploi sur cinq, histoire de mieux séduire un futur acheteur. Une partie des retraites américaines sont également privatisées. EDF entre en bourse, La Poste est mise en concurrence, et puis logiquement, les bureaux non rentables ferment, comme les gares non rentables. La fiscalité ne cesse de favoriser les privilégiés, on réduit la progressivité de l'impôt, et on exonère, comme on vient de le faire en France, les plus grosses fortunes de l'essentiel de l'ISF, l'impôt de solidarité sur les fortunes. Or, une chose me paraît importante à noter d'emblée, c'est que presque aucune de ces décisions n'a obtenu le soutien d'une majorité de l'opinion. En France, la privatisation de TF1, par exemple, s'est faite contre l'avis de la plupart des Français. Au Royaume-Uni, à l'heure actuelle, 75% des Britanniques souhaiteraient que les chemins de fer soient renationalisés. En Nouvelle-Zélande, 79% des Néo-Zélandais s'opposaient à la vente des forêts domaniales à des entreprises japonaises et américaines. Seuls 4% des Néo-Zélandais souhaitaient que la vente se fasse. Elle s'est faite. Car peu importe leur avis, les réformes ont été entreprises et elles continuent. En France, le rapport Camp-Dessus sur la compétitivité de la France a suggéré l'année dernière qu'on accélère la cadence. Certaines de ses recommandations sur la mise en cause du droit au travail ont déjà été suivies. Et le FMI, le Fonds monétaire international, dont Michel Camp-Dessus a été le directeur général, a déjà fait part de sa satisfaction devant la poursuite des réformes en France. Toutes ces orientations libérales découlent beaucoup plus souvent qu'on ne l'a dit, et beaucoup plus souvent que les libéraux en particulier ne l'ont dit, de l'action de l'État. Aux États-Unis aussi. Prenons un exemple assez parlant. Aux États-Unis, Ronald Reagan est élu président en novembre 1980. Il prend ses fonctions le 20 janvier 1981. Que se passe-t-il en 1981 ? Quatre orientations concordantes. Et quatre orientations impulsées par la puissance publique et par le président Reagan. Première orientation concordante avec les autres, les syndicats subissent une attaque spectaculaire. Une grève des contrôleurs aériens a lieu. Elle se traduit par la révocation à vie des 11 000 grévistes. L'ironie pour eux sera d'autant plus amère que leur syndicat avait appelé à voter pour Ronald Reagan quelques mois plus tôt. Et il n'y a aucun hasard dans une telle férocité, puisque dès le printemps 1947, c'est-à-dire plus de 30 ans plus tôt, Friedrich Hayek, qui est le cerveau de cette contre-révolution libérale, expliquait, je le cite, « Si nous voulons entretenir le moindre espoir d'un retour à une économie de liberté, la question de la restriction du pouvoir syndical est une des plus importantes. » Fin de citation. Et donc, quand Ronald Reagan arrive au pouvoir, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de casser un syndicat, de l'interdire, de révoquer les grévistes, ce qui, naturellement, donne un feu vert à toutes les directions d'entreprise dans le pays, leur faisant comprendre que le pouvoir politique sera à leur côté lorsqu'ils s'en prendront au monde ouvrier organisé. Cette année-là également, donc toujours en 1981, les impôts directs qu'acquittent les plus riches aux États-Unis sont réduits. La tranche marginale la plus élevée était imposée à 70% lorsque Ronald Reagan entre à la Maison-Blanche en 1981. Elle ne sera plus imposée qu'à 28% quand Ronald Reagan quittera la Maison-Blanche 8 ans plus tard. Cette année-là, toujours, 1981, et encore une fois à l'initiative du président des États-Unis et de la majorité parlementaire qui le soutient, le salaire minimum est gelé. Il n'augmentera plus une seule fois avant 1990. Et depuis 1998, il n'a pas été relevé une seule fois. Son niveau actuel de 4 euros de l'heure est le plus bas en valeur réelle aux États-Unis depuis 50 ans. Donc vous voyez, on s'en prend aux syndicats, on réduit l'impôt qu'acquittent les plus riches, au même moment, on gèle la rémunération dont bénéficient les plus pauvres. Et enfin, 1981 toujours, dernière orientation convergente, les dépenses publiques sont réacheminées davantage vers les crédits militaires et moins vers la protection sociale. Les budgets sociaux sont pris en ligne de mire. Et la protection de l'environnement, elle aussi, subit les contre-coups des orientations du président Reagan. Donc on voit ici quatre choix convergents. Convergents parce que naturellement, pour ne prendre que cet exemple, la casse du syndicalisme va rendre plus facile le transfert d'une partie de la richesse, du travail vers le capital, du salaire vers le dividende. À vrai dire, la casse du syndicalisme est souvent la condition préalable à ce transfert. Il est très difficile de le mener à bien si le monde ouvrier est organisé et peut déclencher des grèves et peut s'opposer à ce choix de la puissance publique. Et on le voit, puisqu'il s'agit ici, encore une fois, des États-Unis, même aux États-Unis, aucune de ces orientations convergentes n'a été le résultat d'une force de la nature. C'est l'État qui se trouve dans la cabine de pilotage. Pas davantage le produit d'une force de la nature, ce résultat étonnant. Au cours de l'actuelle reprise américaine, les profits ont augmenté de 0,8%. Les profits ont augmenté de 50%, les salaires de 0,8%. Après 3 années de croissance soutenue aux États-Unis, ce qui est la situation actuelle, le revenu médian, c'est-à-dire le revenu que touche la majorité des Américains, est inférieur de 4% à ce qu'il était en 1999. 4 millions d'Américains de plus vivent en dessous du seuil de pauvreté. 4 600 000 Américains de plus vivent sans couverture médicale. Alors on interroge souvent, la mondialisation fut-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Réponse, ça dépend pour qui. Bien sûr, les salaires aux États-Unis ont toujours été mieux servis que les profits, mais si on analyse les cycles de reprise précédents, au cours des 8 cycles de reprise précédents, la moyenne de croissance des salaires avait été de 12,3% et celle de croissance des profits de 35%. Et bien désormais, même ce rapport de 1 à 3 en faveur des profits ne suffit plus. Le capital veut davantage. À vrai dire, il exige davantage, et la mondialisation lui permet de l'obtenir en menaçant chaque pays d'aller voir ailleurs si on ne le satisfait pas. Car la concurrence libre et non faussée, pour reprendre cette formulation du traité constitutionnel, c'est d'abord la mise en concurrence des États, de leur système de protection sociale, par les détenteurs de capitaux. Comme il est devenu de plus en plus difficile d'invoquer la menace inflationniste, c'est maintenant la globalisation, la mondialisation, qui est appelée à la rescousse pour justifier les mêmes mesures, gel des salaires ou baisse des salaires, déréglementation, pression sur les chômeurs, délocalisation des entreprises. Et dès 1993, Gary Becker, prix Nobel d'économie, ultralibéral, avait vendu la mèche en expliquant, je le cite, « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. » Le libre-échange oblige. Le verbe est bien choisi. Le libre-échange, c'est une machine à contraintes. Toujours plus de contraintes au service d'un capitalisme financier, socialement parasitaire, puisqu'il n'a d'autre projet que celui de distribuer ses profits au plus vite sous forme de dividendes. Or, avec la déclaration de Chirac que j'évoquais tout à l'heure, avec 1000 autres propos de ce genre, la mondialisation est à l'économie ce que la loi de la gravitation est à la pomme, a écrit par exemple Alain Minc, président du Conseil de surveillance du monde, il s'est agi, délibérément ou non, de naturaliser le capitalisme de marché. C'est-à-dire d'en faire une réalité aussi indiscutable, aussi apolitique que la biologie, les arbres vivent, meurent, c'est la vie, ou la physique, c'est la gravitation universelle et la pomme. D'ailleurs, Laurence Parisot, présidente du MEDEF, du patronat français, a fait mine de s'interroger en août dernier, je la cite, « La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?» Comme si, en d'autres termes, la société des humains devait être régie par les lois de la nature. On se souvient aussi peut-être de François Mitterrand, président de la République, déclarant le 14 juillet 1993, à propos du chômage, « Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, moi aussi, aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit. Ils y iront d'autant plus qu'on le leur permet, et même qu'on le leur recommande. » Ce genre de propos officiel, tenu par la droite comme par la gauche, a eu pour effet de décourager ceux qui prétendraient s'opposer au capitalisme de marché. On ne s'oppose pas aux lois de la biologie ou à celles de la pesanteur. Or, il y a là une véritable forfaiture intellectuelle et politique. Marx le rappelait déjà, le capitalisme ne peut survivre sans révolutionner en permanence les rapports de production, l'ensemble des rapports sociaux. Il n'est pas stable ou pas longtemps. Pour durer, comme système social, pour que les transformations dont il a besoin s'accomplissent, il est donc nécessaire pour lui de décourager les gens de faire de la politique. Il doit les convaincre en permanence de leur incompétence et de leur impuissance. Et pour cela, il doit les convaincre et insister sur la technicité, la complexité des choses, la nécessité de déléguer leur pouvoir aux experts, c'est-à-dire dans le domaine économique, aux chefs d'entreprise et aux financiers. En France, comme en Italie ou aux États-Unis, les patrons se succèdent d'ailleurs au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons de suite, nous avons eu Francis Maire et maintenant nous avons Thierry Breton. La privatisation, c'est aussi le retrait de la population de la sphère politique, l'habitude qu'on lui donne de vaquer à ses affaires en la persuadant que celle de la cité ne la concerne pas, jusqu'au jour où les rues de la cité prennent feu. En attendant, le système économique dans lequel nous vivons distrait notre attention en nous parlant et en nous faisant parler d'autre chose que des rapports de production, d'exploitation, que de l'inégal accès au logement, à l'emploi, à l'éducation et à la culture, que de l'inégale répartition des richesses. Il nous dit, par exemple, on ne doit pas troubler les marchés, on ne doit pas penser contre les marchés, on doit s'accommoder de la précarité, à moins d'aspirer au retour au maréchal Ferrand. Ce travail de désarmement intellectuel, c'est ce que Pierre Bourdieu avait appelé une politique de dépolitisation. Et en vérité, il a beaucoup fallu penser pour les marchés avant que ne se généralise l'idée qu'on ne pourrait plus jamais penser contre eux. Les libéraux ont pensé pour les marchés, ils ont pensé l'impensable, puis ils l'ont réalisé, et dorénavant, ils nous disent que l'impensable est devenu l'indépassable, l'incontournable, l'irréversible. Dans mon livre « Le grand bond en arrière », j'ai d'abord voulu rappeler qu'à partir des années 30 et jusqu'aux années 70, la plupart des hommes politiques, la plupart des intellectuels, la plupart des journalistes avait estimé que l'ère des maréchaux Ferrand, cette période qui allait disparaître et qui ne reviendrait pas, c'était le libéralisme, ou en tout cas le capitalisme de marché. Et qu'en 1929, 6 mois avant le krach de Wall Street, Pierre Mendès France expliquait de façon qui fut prophétique pour les décennies qui allaient suivre, je le cite, « L'heure est venue de substituer au dogme du laisser-faire, laisser-passer le statut économique de l'avenir, celui de l'État fort en face de l'argent fort. » Et pendant près d'un demi-siècle, c'est ce qui s'est passé, peu ou prou, de l'Argentine aux États-Unis, du Royaume-Uni à la France. L'expression « la pensée unique » existait déjà, mais elle signifiait alors tout autre chose qu'aujourd'hui. La pensée unique, c'était l'économie mixte, quand l'État contrôlait les marchés, essayait de leur imposer sa vision de l'intérêt général, laquelle, dans bien des cas, correspondait aux intérêts des chefs d'entreprise, soucieux d'une certaine stabilité économique et sociale. Le gaullisme, le New Deal et ses suites, le corporatisme à la japonaise, Ce n'était pas la révolution sociale, encore moins la révolution socialiste. Mais pour reprendre la formulation du fondateur de la Ve République, du général de Gaulle, la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille. On a appelé ça colbertisme, état-providence, travaillisme, planification, service public, nationalisation, préférence communautaire, et tout cela était alors parfaitement compatible avec le capitalisme, avec la libre entreprise. Ça a duré environ un demi-siècle, en posant beaucoup de problèmes, forcément, en matière d'énergie et d'épuisement des ressources naturelles en particulier, avec cependant, pour une majorité de la population mondiale, un niveau de vie qui augmente, des écarts de fortune qui tendent à se réduire, une situation proche du plein emploi. Parce que dans des économies nationales qui sont encore largement protégées de la concurrence internationale, des patrons, comme l'américain Henry Ford, le patron des usines Ford, expliquaient par exemple qu'ils n'avaient pas intérêt à licencier leurs ouvriers ou à trop mal les payer, dès lors qu'ils risquaient aussi, ce faisant, de licencier leurs clients ou de les rendre insolvables. C'est ce qu'on a appelé l'ère keynésienne. Et rappelons par exemple que les dollars du plan Marshall, financés donc par les États-Unis, ont financé des entreprises nationalisées. Et que ça ne posait pas de problème. À vrai dire, en France, par exemple, 43% des crédits Marshall ont été affectés à trois entreprises publiques nationalisées, les Charbonnages de France, la SNCF et EDF. Comparez cela avec la situation qui sera celle des années 80, quand un pays demandera par exemple l'aide du Fonds monétaire international, et que, presque automatiquement, l'une des conditions préalables à l'obtention de cette aide sera la privatisation de son secteur public. Pendant cette période keynésienne, les taux de prélèvements fiscaux pouvaient atteindre aux États-Unis 91% pour les tranches les plus élevées. Vous pouviez payer jusqu'à 91% de la tranche la plus élevée de vos revenus. On dit d'ailleurs souvent que c'est l'une des raisons qui a motivé Ronald Reagan quand il a changé de camp et qu'il est passé du camp démocrate au camp républicain, c'est qu'il avait gagné beaucoup d'argent en étant acteur et qu'il ne pouvait plus supporter l'idée de payer 91% d'impôts sur sa tranche la plus élevée. Mais on a vu qu'en 1980, quand il arrive au pouvoir, en 1981, quand il entre à la Maison-Blanche, la tranche la plus élevée est encore imposée à 70% et qu'elle ne sera plus imposée que de 28% quand Ronald Reagan quitte la Maison-Blanche. Enfin, toujours dans cette période keynésienne, il faut rappeler que Keynes lui-même fut l'un des principaux architectes des accords de Bretton Woods, qui ont donné naissance au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui donc à l'époque n'étaient pas des machines ultralibérales comme elles le sont devenues depuis, que Pierre Mendès-France lui-même, que je citais tout à l'heure, fut pendant plusieurs années gouverneur du Fonds monétaire international. La pensée unique, c'était alors cela, aux États-Unis aussi. Une forme de capitalisme sous tutelle, de capitalisme qu'on protégeait parfois contre lui-même, de son instabilité structurelle, de ses tendances autodestructrices. En un sens, le souvenir cuisant de la crise de 1929 et des raisins de la colère était passé par là, et pestait contre ce capitalisme contrôlé, qu'ils appelaient socialisme rampant, route de la servitude, des gens comme Pierre Poujade en France, Barry Goldwater, Friedrich Hayek, Milton Friedman ailleurs. On les écoutait à peine. Même les libéraux, en France, des gens comme Jacques Rêve, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, qui fut d'ailleurs le traducteur de Friedrich Hayek en français, se résignait à des politiques interventionnistes de type keynésienne. Et d'ailleurs, quand j'étais aux États-Unis au moment de la victoire des Républicains, quand ils ont remporté la majorité à la Chambre des représentants, j'avais rencontré quelqu'un qui m'expliquait que la victoire des Républicains témoignait d'un fait très simple, c'est que l'influence européenne pour les États-Unis s'était finie. Qu'ils s'étaient résignés en quelque sorte à des modes de régulation de l'économie sociodémocrate hérités de l'influence européenne et de l'influence qui venait en particulier de la côte est des États-Unis, et que la victoire républicaine indiquait suffisamment que cette influence était révolue et que ce serait davantage la côte ouest et le Sunbelt, comme on dit, qui seraient en quelque sorte au poste de commande et qui rendraient au capitalisme sa vérité d'origine. Donc pendant très longtemps, aux États-Unis, les choses n'étaient pas très différentes de ce mode de régulation contrôlé que j'évoquais. Au lendemain de la guerre, l'État et les entreprises étaient supposés et étaient réputés pouvoir tout faire. Ils avaient après tout surmonté la crise de 1929, vaincu le fascisme, et on pensait que l'État et les entreprises pourraient ensemble reconstruire les taudis, conquérir la Lune, améliorer la santé et le niveau de vie de chaque Américain, garantir le plein emploi, combattre le communisme sur le terrain même du social, éducation, santé. Au début des années 60, le conseiller économique du président Kennedy, Paul Samuelson, apprend ainsi aux parlementaires de son pays que, je cite, « notre économie peut connaître le plein emploi au taux de croissance qu'elle souhaite. Il est également possible d'y parvenir au niveau d'égalité des revenus que la société réclame sur le plan éthique. » Au niveau d'égalité des revenus que la société réclame sur le plan éthique. Et c'est le conseiller économique du président des États-Unis qui s'exprime. On imagine mal aujourd'hui, même le conseiller d'un président de gauche, à supposer qu'on en trouve un quelque part, qui s'exprimerait dans des termes pareils. On parle un peu partout, à l'époque, dans le monde occidental d'ailleurs, d'embourgeoisement de la classe ouvrière, de convergence des systèmes vers une forme de social-démocratie, de fin des idéologies. Parce qu'on parle, l'est déjà, de fin des idéologies, mais dans un sens tout à fait différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, la fin des idéologies, ça allait être en quelque sorte la réconciliation de la classe ouvrière avec le système capitaliste, dès lors que la classe ouvrière allait s'embourgeoiser et acquérir de plus en plus des modes de vie bourgeois. Le marché et la démocratie semblaient complémentaires en Occident. J'ai dit pensée unique, oui, car la droite américaine s'était mise au keynésianisme au lendemain de la guerre. En janvier 1953, le président républicain Dwight Eisenhower succède à 20 ans d'administration démocrate, Roosevelt, puis Truman. Il imagine sans doute qu'il va refouler le New Deal, son salaire minimum, ses subventions agricoles, son système de retraite fédérale. Or, que fait-il le contraire? Il conforte chacune de ses politiques interventionnistes et il crée le ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales, dont l'un des titulaires envisagera, sans succès, une couverture médicale universelle garantie par le gouvernement fédéral. Couverture médicale qui, comme vous le savez sans doute, n'existe toujours pas aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 45 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture médicale. Et Eisenhower va proclamer intouchables les retraites garanties par l'État. En 1969, nouveau président, Richard Nixon, qui va suggérer l'idée d'un revenu minimum garanti, qui va créer une administration publique fédérale supplémentaire, l'Agence pour la protection de l'environnement. Et en 1971, c'est Nixon lui-même, président républicain, qui proclame « Nous sommes tous keynésiens maintenant. » Justement, plus pour très longtemps. Dans les pays capitalistes, certains éléments de ce consensus centriste keynésien que je viens d'évoquer, l'augmentation du niveau de vie des catégories populaires, par exemple, n'était pas le produit du seul désir, de la seule bonté d'âme des élites gouvernantes. Il leur fallait alors tenir compte de forces internationales, ce qu'on appelait bien improprement à l'époque le camp socialiste, et il faut se souvenir qu'entre 1945 et 1987, on a redouté, ou on a faim de redouter, que ce camp englobe une partie de l'Europe occidentale. En 1987, encore, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 18 ans, Margaret Thatcher demande à François Mitterrand ce que la France fera en cas d'invasion soviétique. Le capitalisme ne pouvait donc pas se présenter comme sans alternative, et il ne pouvait pas, au nom de cette absence d'alternative, faire n'importe quoi. Il devait parfois lâcher du lest. Il lui fallait aussi tenir compte de forces sociales mobilisées, de la puissance du mouvement syndical en particulier, et d'une gauche qui parfois proclamait son intention de changer la vie. Puisque changer la vie est le titre du programme manifeste du Parti Socialiste en 1980, du Parti Socialiste français. Le patronat ne fait pas ce qu'il veut quand il y a 5 millions de syndiqués en France, souvent militants, et confortés par le souvenir des actions qu'ils lancent, et par le souvenir des victoires qu'ils ont remportées, juin 36, la résistance, les grandes grèves ouvrières de mai 68 en France, il fallait donc que le patronat en tienne compte, car toutes les conquêtes sociales qui ont abouti à partir des années 30, en Europe et aux États-Unis, impôts redistributifs, protection sociale, retraite, soutien aux prises agricoles, droits syndicaux, congés payés, réduction de la durée du travail, n'ont pas été uniquement la réponse apportée par les milieux dirigeants aux échecs du libéralisme des années 20, lequel libéralisme avait débouché sur la dépression des années 30. Ces conquêtes ont également été rendues possibles par des décennies de luttes sociales, d'affrontements parfois violents entre grévistes et nervis patronaux, d'agitation, d'éducation populaire, d'organisation. Et tout cela avait créé des structures, des habitudes, des solidarités, des manières de percevoir le monde moins individuelles, moins désespérées, moins soumises, plus volontaire, plus optimiste, plus consciente du fait qu'on peut penser contre les marchés, que cette loi de la pesanteur-là, cet air des maréchaux Ferrand, pourrait un jour s'achever. Et puis, pour reprendre la formule de Simone de Beauvoir dans Les Mandarins, et puis, ça a fini par finir. À partir des années 70, les difficultés économiques, croissance ralentie, inflation, crise de l'énergie, voire tout ça à la fois, frappent les économies dites socialistes et celles des pays où existait un capitalisme d'État pas trop inégalitaire, sensiblement moins inégalitaire en tout cas qu'aujourd'hui. À partir des années 70, on dénonce, comme la droite française, mais la droite d'autres pays européens, les impasses de l'État-providence, les impasses de la nostalgie. La nostalgie signifiant ici, bien entendu, le désir de conserver le fruit de conquêtes sociales arraché à un marché et à un patronat qui n'en voulait pas. Progressivement, l'idéologie dominante va en revenir aux dogmes libéraux qu'avait autrefois mis en cause Pierre Mendès France et à la loi de l'argent fort, avec un État qui subsiste, mais qui se redéploie du social vers le contrôle social, de la volonté, par exemple, de généraliser la gratuité des universités, à la priorité accordée au désir de mieux surveiller et punir. Amérique de l'Amérique, usine à rêve, la Californie, par exemple, et ses 35 millions d'habitants, comptent aujourd'hui davantage de détenus, 163 000, que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas réunis. Vous écoutez Microcité sur Radio Panique, une conférence donnée par Serge Halimi en novembre 2005. Que s'est-il passé ? On propose plusieurs explications en général. La crise, la victoire idéologique du néolibéralisme, la victoire politique de la droite, et souvent, lorsqu'on avance les explications séparément, cela contribue à un sentiment d'inéluctabilité. Alors qu'à mes yeux, derrière le grand bond en arrière, on trouve une histoire très construite, très pensée, très politique, dans laquelle chacun des rouages tente à favoriser le suivant. Une histoire qui n'a rien à voir avec une loi de la nature, avec une forme de fatalité, rien non plus avec un complot, une cabale. Davantage, il s'agit de la rencontre de circonstances historiques particulières et d'une volonté. Des circonstances mises au service d'une volonté. Première explication qu'on invoque, la crise. Crise de l'énergie, crise des monnaies, crise de la croissance. Bien sûr, cette crise a eu lieu. Mais ça n'est pas une explication suffisante pour qu'on en arrive à la situation dans laquelle on se trouve. Même si c'est toujours en invoquant une crise, le cas échéant en exagérant sa réalité, dans le domaine de la sécurité sociale, des retraites, des services publics, qu'on force plus facilement la main de ceux qui refusent les réformes libérales. On vous annonce une crise de la sécurité sociale, une crise des retraites, c'est fini, on ne pourra plus les payer, etc. Et puis on vous dit, on pourra, mais il faudra introduire des réformes. Et vous perdrez la moitié de votre protection sociale avec un sentiment de reconnaissance en vous disant, je croyais que j'allais tout perdre. Naturellement, ça n'est qu'une première étape, vous perdrez la moitié de la moitié qui vous reste la fois suivante, à l'occasion d'une autre crise qui suscitera le même sentiment de panique. Cependant, une crise, c'est un coup de tonnerre sur une boîte noire, sur un transformateur électrique. Ça interrompt effectivement la marche habituelle des choses, mais on ne sait pas ce qui va en sortir quand l'électricité sera rétablie. La crise, en d'autres termes, ne débouche pas sur une réponse jouée d'avance. Prenons quelques exemples. La Première Guerre mondiale, en France, provoque la victoire de la droite, du Bloc national, de Poincaré et de Clémenceau. En Allemagne et en Autriche, c'est la fin de l'Empire. En Russie, c'est la Révolution et la naissance de l'Union soviétique. Une même crise provoque des conséquences très différentes. Deuxième exemple, la crise des années 30. Elle débouche sur le New Deal aux États-Unis, sur le Front populaire en France, sur le national-socialisme en Allemagne. Et dans un pays, le Royaume-Uni, où la crise économique et sociale n'a pas été moins sévère, il n'y a pas de changement politique. Donc vous voyez que non seulement les conséquences peuvent être très différentes, mais parfois il peut ne pas y avoir de conséquences du tout, alors que le facteur déclenchant a été au moins aussi puissant. Enfin, dernier exemple, au début des années 80, la crise, le deuxième choc pétrolier, comme on dit, favorise l'élection de Ronald Reagan en novembre 80 aux États-Unis et 6 mois plus tard, en mai 81, celle de François Mitterrand en France. Dans un cas, le président qui fut le plus à droite de l'histoire contemporaine des États-Unis, jusqu'à ce que George W. Bush le remplace, dans l'autre, avec François Mitterrand, le président dont on pensait qu'il serait le plus à gauche. En somme, si la crise déclenche la recherche d'un autre ordre, elle ne dit pas quel autre ordre ce sera. Expliquer la contre-révolution libérale qu'on connaît à l'heure actuelle par ce qu'on a appelé la crise du keynésianisme ne constitue donc pas une réponse suffisante. On aurait pu imaginer d'autres types de solutions à cette crise. Mais naturellement, le discours de la crise, celui qu'on va le plus entendre, a permis de favoriser la pédagogie ou la propagande des réformes libérales et de la mise en concurrence du modèle français et du marché mondial. C'est-à-dire d'amputer, sous couvert de modernité, nombre d'acquis sociaux et de rééquilibrer en faveur du capital le rapport capital-travail. Ainsi, en 1984, il y a eu cette grande émission de télévision publique titrée « Vive la crise », émission diffusée sur la deuxième chaîne française publique, présentée par le quotidien Libération, qui doit maintenant se demander si la crise est aussi heureuse que ça, et qui présentait dans les principaux rôles Laurent Geoffrin, Christine O'Crène, Serge Julie et Yves Montand, dans une émission qui était à l'évidence une émission de propagande néolibérale, et qui avait pour objectif d'instiller, d'inoculer, d'injecter le capitalisme de marché à un public français qui n'en voulait pas. Et on leur disait, voilà, on va dans le mur, mais c'est une chance, puisqu'on va dans le mur, on va pouvoir tout changer, et on va pouvoir tout changer, c'est-à-dire introduire des réformes libérales. Et d'ailleurs, dans cette émission, qui a eu un énorme impact, un énorme retentissement, une petite séquence de politique fiction, où on imaginait l'Europe, une Europe avec un président pour toute l'Europe, et ce président, que nous présentait avec des trémolos d'enthousiasme dans la voix Christine O'Crène, était une femme. C'était Margaret Thatcher. La mondialisation, l'Europe, ça a servi à cela. À faire avaler sous couvert d'ouverture et de modernité la potion amère du libéralisme. Et le 12 mai dernier, dans un meeting pour le oui à la Constitution européenne, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs mis carte sur table. Je le cite, « L'Europe que nous voulons nous impose aussi le changement en France. Travailler plus », alors quand il parle après du changement, ça donne quoi? Parce qu'on peut imaginer des tas de types de changements, mais ceux qu'il imagine lui, c'est « Travailler plus », « Réduire les charges et les impôts de nos entreprises », »,« Réduire notre dépense publique », »,« Donner de l'autonomie à nos universités afin qu'elles puissent gagner en attractivité », »,« Accéder à des financements innovants, y compris privés ». L'Europe, concluait-il, c'est la plus formidable occasion de réveiller la France, de la faire bouger. Et ce discours-là a été employé dans des tas d'autres pays, où on invoque toujours la modernité européenne pour débarrasser chaque pays de ses traditions progressistes. Un autre libéral pro-américain français, Pierre Lelouch, a été clair lui aussi, l'Europe est l'aiguillon de la réforme, notre pays a une tendance à l'immobilisme, et seule la pression extérieure le contraint à évoluer. Enfin, le socialiste Pascal Lamy, l'actuel directeur général de l'OMC, n'a pas dit autre chose, puisqu'il a expliqué « Les chefs d'entreprise français sont européens parce qu'ils ont compris que la remise en ordre et la marchéisation, c'est lui qui a créé le mot, la marchéisation de l'économie française se sont faites par l'Europe, grâce à l'Europe et à cause de l'Europe. » Il y a effectivement de quoi être très fier, et on le voit en ce moment. Vive l'Europe donc! Vive la pression extérieure, vive le libre-échange et vive la crise. Une crise très relative au demeurant, parce que depuis qu'on nous parle de cette crise-là, il faut voir que certains s'en sont très bien portés et que les coûts de la crise ont été inégalement distribués, épargnant en général les professeurs d'austérité, journalistes compris. Depuis 1980, la richesse nationale a augmenté de 59% en France, de 101% aux États-Unis, où la durée du travail n'a cessé de s'allonger. Vive la crise, peuvent donc clamer les patrons américains, puisqu'en gelant, avec le concours de leurs alliés politiques à la Maison-Blanche, le pouvoir d'achat ouvrier depuis 30 ans, ils ont confisqué l'essentiel de l'enrichissement collectif du pays à leur profit. En 2004, les profits après impôts ont atteint aux États-Unis la part de la richesse nationale la plus élevée depuis 75 ans. Le grand bond en arrière, il est là aussi. Vive la crise, peuvent clamer de la même manière les patrons français d'entreprises cotées au CAC 40, dont la rémunération annuelle moyenne, stock options compris, est supérieure à 6 millions d'euros. Par chef d'entreprise, naturellement, soit 200 fois le salaire moyen et 400 fois le SMIC. Il y a plusieurs patrons de médias dans la liste des bénéficiaires. Conclusion de tout ça, il va bien falloir que nous fassions de nouveaux sacrifices. et les professeurs en la matière ne font pas défaut. Justement, c'est la seconde explication souvent avancée. Ce n'est pas la crise qui aurait fait l'affaire, c'est le travail idéologique des néolibéraux qui ont interprété cette crise de manière à favoriser des remèdes de marché les plus susceptibles d'avantager les chefs d'entreprise. L'idéologie néolibérale, alors. Le travail intellectuel des néolibéraux va proposer une interprétation vraisemblable de la crise. Et l'interprétation vraisemblable de la crise, on la connaît, c'est les choses ne vont plus bien ou ne vont plus aussi bien qu'avant parce que les entrepreneurs, les patrons, les chefs d'entreprise et les forces productives ont été étouffés par le poids croissant de l'État. C'est ce que Hayek appelle la route de la servitude dès 1944. Donc c'est cette idée que le capitalisme n'opère plus aussi bien qu'avant parce qu'il est de moins en moins capitaliste dans la mesure où il a incorporé un certain nombre de remèdes collectifs, voire collectivistes, comme dirait Hayek, liés à un certain nombre de garanties sociales, des salaires minimums, à un certain nombre de restrictions apportées aux droits des patrons et des entrepreneurs. Conclusion, la machine se grippe. On a tellement voulu lui imposer de contraintes supplémentaires qu'elle n'avance plus, que la locomotive est en panne. Solution compréhensible, vous avez un remède assez... Vous avez un problème qui est identifié de manière assez simple, la solution va d'elle-même, c'est ce que Ronald Reagan appellera « restaurer la magie du marché ». La magie du marché. Donc, État qui étouffe, route de la servitude, c'est la définition du problème, remède, la magie du marché. Alors il faut voir que ces idées néolibérales n'ont absolument rien de nouveau. La plupart, en tout cas. Déjà au XVIIIe siècle, l'un des pères de la Constitution américaine, Benjamin Franklin, énonçait à propos de l'aide sociale cette idée qui semble inspirer les libéraux du XXIe siècle. Cesser d'aider les pauvres est le meilleur moyen de leur donner le goût de devenir riche. Ne croyez pas que j'exagère, puisque je vais citer Benjamin Constant en 1766. Il écrivait « Plus on organise des secours publics pour prendre soin des pauvres, moins ils prennent soin d'eux-mêmes, et naturellement, plus ils deviennent misérables. Au contraire, moins on fait pour eux, plus ils font pour eux-mêmes, et mieux ils se tirent d'affaire. » Fin de citation. Vous avez donc ce remède qui est formidable, ne faites rien et tout s'arrangera. Ne faites surtout rien pour les pauvres et leur situation s'améliorera. C'est un égoïsme qui est vraiment providentiel, puisqu'il résout tous les problèmes que la société pose. Même chose pour les retraites. Un spécialiste de la pauvreté expliquait au XIXe siècle, je le cite, « Si des hommes jeunes savent qu'ils n'auront pas de secours dans leur vieillesse, ils économisent. » Fin de citation. Et c'est un peu le système que recommande en ce moment le président Bush. Sous couvert de privatisation des retraites, il dit « Possédez votre retraite. Constituez, possédez votre retraite dès le début. Échappez à la servitude du collectif. » C'est votre retraite, vous la portez avec vous, vous la constituez année après année. Et naturellement, comme ça, vous rompez un système de solidarité collective particulièrement important. La vérité, c'est que des analyses de ce genre sont surtout écoutées et reprises par des hommes politiques très marginaux, jusqu'à la fin des années 60. Comme Ronald Reagan, qui est élu gouverneur de Californie en 1966, avant de devenir président des États-Unis 14 ans plus tard. Ou d'hommes moins marginaux, comme Augusto Pinochet. Car la première expérience in vivo des néolibéraux, ils vont la conduire au Chili après le coup d'État de septembre 1973. « Venez chez nous », leur dit en substance Pinochet, « les syndicats sont interdits et la gauche ne vous gênera pas puisque nous l'avons détruite. Vous pourrez donc faire tout ce que vous voulez. » Et on sait que Milton Friedman se rendra au Chili et qu'un nombre significatif d'élèves de Milton Friedman seront au poste de commande de la politique économique et financière chilienne, et ce sera d'ailleurs l'un des premiers pays où on expérimentera la privatisation des retraites. Mais jusqu'aux années 70, on l'a vu, la plupart des responsables politiques, ceux de la droite compris, acceptaient encore un pilotage économique de type centriste, organisé par l'État. Et sans entrer dans les détails techniques, cela revenait à augmenter les taux d'intérêt pour casser l'inflation, quand l'inflation était trop forte, à baisser les taux d'intérêt pour casser le chômage quand le chômage est trop élevé. et à rechercher, bon an mal an, un équilibre entre les deux. À la fin des années 70, les choses changent. La priorité devient partout la même, la lutte contre l'inflation. Le chômage va augmenter, et le chômage va servir à la fois à brider les revendications salariales. Naturellement, on demande moins facilement une augmentation à son patron quand il y a beaucoup de concurrence sur le marché du travail. Mais il va servir aussi à casser les syndicats. La concurrence entre les salariés et la coexistence de statuts de plus en plus éclatés, de plus en plus individualisés, va miner la solidarité ouvrière. Le choix inflationniste est donc le choix le plus favorable aux revenus du capital. Et vous savez peut-être que dans le texte de la Constitution européenne, dans les statuts de la Banque centrale européenne, il n'y a aucune indication relative au niveau de l'emploi. La Banque centrale européenne n'a qu'une priorité, qui est la lutte contre l'inflation. Le niveau de l'activité ne fait pas partie de ses priorités, contrairement d'ailleurs à la Réserve fédérale américaine, où le niveau de l'emploi fait partie des priorités auxquelles elle doit veiller. Même type de politique anti-inflationniste dans les pays du Sud, mais en plus brutale. La Banque mondiale va imposer une politique d'ajustement structurel à des nations déjà fragiles qui s'épuisent à rembourser plusieurs fois le montant des prêts que des banques occidentales ont souvent consenti à des tyrans qui en ont confisqué le bénéfice à leur profit et qui l'ont, le cas échéant, placé dans des banques occidentales. Au début des années 90, l'Ouganda, par exemple, dépensait 12 fois plus pour le remboursement de sa dette, largement contractée par le maréchal Idi Amin, que pour la santé publique. Au début des années 90, moins d'1% des prêts de la Banque mondiale étaient consacrés à un objectif aussi prioritaire que la lutte contre le sida. Désormais, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui sert de bouclier du capital international contre toute velléité future de politique sociale. Dans son livre « Europe, la trahison des élites », Raoul Génard relève, je le cite, « Les textes sont là, il suffit de les lire, allez sur le site de l'OMC et vérifiez par vous-même ». Il n'y a pas une seule règle de l'OMC qui régule les entreprises commerciales privées. Toutes les règles de chacun des accords de l'OMC concernent les législations et les réglementations des États et de leurs collectivités territoriales. Pas les firmes privées, pas les sociétés transnationales, pas ces espaces de non-droit que sont les zones franches, pas les paradis fiscaux, pas les transactions financières internationales que nourrit l'argent du crime organisé et de la fraude. La régulation à la manière de l'OMC, c'est une dérégulation imposée à chaque État membre. Fin de citation. Les néolibéraux triomphent. Très tôt, ils ont pensé l'impensable. Et lorsqu'on relit leurs textes aujourd'hui, on mesure l'importance et l'ampleur de leur victoire. Qui aurait imaginé il y a seulement 20 ans, qui aurait imaginé il y a seulement 10 ans, que la privatisation d'EDF serait engagée, que la France aurait vendu toutes ses banques, abandonné son contrôle de la monnaie, que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande auraient mis fin à la gratuité de l'enseignement supérieur, que l'Allemagne s'apprêterait à les suivre. Or, si on relit ce que proposait Hayek en 1960, dans sa Constitution de la liberté, que lisait-on ? Il faut déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, supprimer les programmes de subvention au logement et le contrôle des loyers, abolir le contrôle des prix et de la production dans l'agriculture, réduire le pouvoir syndical. Fin de citation. Tout ça dès 1960. Petit récit, nous sommes en 1975. Margaret Thatcher vient d'être élue dirigeante du Parti conservateur. Elle assiste à une réunion d'un think tank britannique néolibéral, d'une fondation, d'une boîte à idées, et elle écoute l'analyse d'un chercheur qui recommande que les conservateurs adoptent une voie médiane entre extrême de droite et extrême de gauche. Avant qu'il ait terminé son exposé, le nouveau dirigeant du Parti conservateur cherche dans son sac et en sort un livre. C'était celui de Friedrich von Hayek, « La Constitution de la liberté ». Interrompant alors l'expert, elle brandit l'ouvrage afin que chacun puisse le voir. « Ça, dit-elle fermement, c'est ce que nous croyons. » Et elle martela le livre sur la table. Ça, c'est une petite histoire qui montre quand même que quand les néolibéraux reprochent à leurs adversaires d'être des idéologues, il y a une certaine forme d'humour dans le propos. Les orientations recommandées par Hayek sont politiques publiques 30 ans plus tard. L'État, que nombre de libéraux vont investir, parce qu'après tout, ils sont très opposés à l'État, mais ça n'empêche pas George Bush, comme Ronald Reagan avant lui, de se faire élire président de la République. Et apparemment, c'est aussi le souhait de Nicolas Sarkozy, qui ne cesse de nous dire le mal qu'il pense d'un État qui intervient. Donc les néolibéraux vont investir l'État pour que l'État soit l'artisan de son propre désengagement, avec des résultats très profondément inégalitaires. On baisse les impôts en invoquant l'attractivité du territoire. On réduit les allocations des chômeurs pour leur apprendre à se responsabiliser. Attractivité, responsabiliser, je pense que ce sont des mots que vous avez eu l'occasion d'entendre. Mais inutile dorénavant de citer Hayek ou Adam Smith, leurs idées sont tellement installées dans nos sociétés et dans nos vies qu'on peut les défendre en se réclamant du pragmatisme et en nous opposant que nous serions des idéologues. C'est ce que fait par exemple Nicolas Sarkozy qui a expliqué au Figaro l'année dernière « Je suis avant tout pragmatique ». Je ne me réveille pas chaque matin en lisant Adam Smith, Ricardo ou Hayek, mais en cherchant des solutions. Fin de citation. Des solutions pragmatiques, comme par exemple d'avoir achevé la privatisation de France Télécom, de vendre des sociétés d'autoroutes, d'avoir modifié le statut d'EDF. Des solutions très pragmatiques, mais toutes plus ou moins inspirées par Friedman et par Hayek. La réussite idéologique des ultralibéraux est également le résultat d'un travail volontariste de marketing politique à couverture universitaire. Il va falloir vendre ces idées en les présentant comme produites par une science universitaire ou une science experte. Ce sera le rôle des think tanks de la droite américaine, mais aussi celui d'organisations intergouvernementales comme l'OCDE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, dont l'actuel directeur est Paul Wolfowitz, l'architecte de la guerre d'Irak, mais aussi le travail de milliers de lobbyistes industriels et financiers qui font la pluie et le beau temps à Bruxelles et à Washington, mais aussi le travail des journalistes et des intellectuels dominants qui servent ces milieux dirigeants, moyennant une bonne récompense et la certitude d'être invités à de très lucratives conférences. Tous vont donner un habillage savant, c'est le rôle de l'OCDE par exemple, ou un habillage plaisant, c'est le rôle des émissions de télévision, du type de celles d'Yves Montand et Vive la crise, aux préférences des néolibéraux, des détenteurs de fortune et aux intérêts des grandes entreprises. Ces entreprises vont investir le business des idées pour que ce business des idées favorise en priorité les idées du business. William Simon, qui fut ministre des Finances des présidents Nixon et Ford, par exemple, va sommer au début des années 70 les patrons d'entreprises américaines d'aligner leurs contributions charitables sur leurs intérêts, de ne donner qu'à ceux qui favoriseront leurs intérêts financiers. Et il l'explique très brutalement en disant, je le cite, « Le monde des affaires doit cesser de subventionner sans réfléchir les collèges et les universités dont les départements d'économie, de sciences politiques et d'histoire sont hostiles au capitalisme. » Il faut également cesser d'investir dans les médias qui servent de relais aux opinions anticapitalistes et reporter ces investissements vers des médias favorables à la libre entreprise. Là, il n'a que l'embarras du choix. Puis William Simon enfonce le clou. De nombreuses sociétés financent leur propre destruction. Pourquoi les hommes d'affaires devraient-ils aider des intellectuels gauchistes et des institutions qui défendent des thèses contraires à leurs intérêts ? Fin de citation. Les hommes d'affaires n'ont jamais été aussi nombreux que William Simon le redoutait à aider des gauchistes, mais disons qu'à partir de 1980, ils seront moins nombreux encore. Et je précise que William Simon a été le gestionnaire d'une des principales fondations américaines qui a arrosé d'argent les boîtes à idées les plus conservatrices, les plus engagées dans la revanche sociale, les plus favorables aux idées des chefs d'entreprise, pour que précisément elles développent sous forme de manifestes, sous forme de livres dont on parlerait dans la presse, ces idées qui favorisaient les intérêts des chefs d'entreprise. Travail idéologique, travail politique aussi, et à chaque fois approche volontariste. Les libéraux, eux, savent que c'est toujours la politique qui est dans la cabine de pilotage, surtout quand c'est leur politique. Si on cherche une démonstration de ce volontarisme, dont Hayek a été le grand théoricien, un des dirigeants conservateurs américains l'a fourni 2 ans avant l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis en écrivant, je le cite, et c'est un homme de droite, même d'ultra-droite qui parle, « Nous devons suivre l'exemple des communistes. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays où les principales institutions, les médias, les organisations religieuses et les entreprises leur sont hostiles, ils installent une structure de guérilla qui leur permet de faire passer leur information. Nous sommes ici dans la même situation. » Là, il s'exprime en 1978, naturellement. Les principaux instruments institutionnels sont contre nous, CBS, l'Université Harvard, le New York Times, Pepsi-Cola, le Congrès. Fin de citation. Et il faut voir ici que si l'hostilité des médias, des organisations religieuses et des entreprises au message de la droite dure s'est beaucoup atténuée, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis quelques années, ce n'est pas là non plus en raison d'une quelconque loi de la nature. Car ce terrain de l'information, ce terrain de la communication, les néolibéraux vont l'investir aussi, notamment en favorisant la privatisation de l'audiovisuel. Et donc, d'abord, la prise de contrôle de ces médias par des chefs d'entreprise, qui peuvent se les payer, mais aussi, pour financer l'opération de ces médias, l'invasion de la publicité, laquelle spontanément défend les valeurs de la consommation et de la marchandise. La publicité qui, comme l'a expliqué le PDG de TF1, vend notre temps de cerveau disponible aux annonceurs. Murdoch, Bouygues, Lagardère, Berlusconi, Dassault, General Electric, Disney, il est inutile de rappeler qui contrôle les moyens d'information et de communication en Europe et dans le monde. Ce sont les plus grandes multinationales. Sur les 300 principales fortunes de la planète, par exemple, 10 sont françaises, et sur ces 10 fortunes principales françaises, 6 viennent des médias. Ou 6 ont affaire avec les médias. Il s'agit d'Arnault, de Dassault, de Pinault, de Jean-Claude Decaux, de Bouygues et de Bolloré. Et lorsque nous voyons chaque jour, même dans des émissions de variété, des acteurs célèbres, des sportifs célèbres, des écrivains célèbres, tous interrogés par des journalistes ou des animateurs célèbres, Zidane ou Depardieu interviewé par Drucker ou par Fogiel, par exemple, nous savons une chose, nous savons que nous sommes entre millionnaires. Et que tous, Drucker, comme Zidane, comme Depardieu, ont beaucoup profité de l'évolution de ces 20 dernières années. Cela dit, ni l'explication par la crise, ni celle par le travail idéologique des néolibéraux n'aurait suffi, et j'en viens donc à la dernière explication, l'explication politique et sociale. Le programme des néolibéraux et des idéologues de la droite n'aurait jamais triomphé si aux États-Unis, mais aussi ailleurs, une séparation croissante n'était intervenue entre les catégories populaires, en tout cas une partie d'entre elles, et la gauche. En novembre 2004, Bush a remporté 83% des voix dans le comté le plus pauvre des États-Unis. Et il a conforté sa majorité de 2000 en Virginie occidentale, qui est l'État le plus pauvre de l'Union. Ah, il y a tout de même un formidable paradoxe à voir un candidat, un président, qui a à ce point servi les riches, et qui n'a jamais dissimulé que c'était tout de même l'un de ses projets principaux, obtenir autant de suffrages au sein des catégories populaires. Cette fracture entre la gauche et les catégories populaires qui intervient sur les questions raciales, d'aide sociale, de lutte contre la délinquance, de défense des valeurs morales traditionnelles, c'est-à-dire religieuses dans bien des cas, va libérer une partie de la clientèle de la gauche au profit de la droite. Et va le faire aussi pour des raisons économiques. C'est parce qu'à partir de 1973, le revenu de la majorité des Américains, surtout ceux des milieux populaires, cesse d'augmenter et va cesser d'augmenter pendant 25 ans, qu'une partie de ces Américains ou de ces Britanniques ou de ces Français quelques années plus tard vont perdre pied, perdre confiance, cesser de croire au progrès qu'on leur promet et donc ils ne cessent de payer le prix. Désorientés, négligés ou méprisés par une gauche de plus en plus intellectuelle et bourgeoise, ils vont s'intéresser au discours de rupture avec l'ordre établi que leur propose la droite. Et on le voit bien d'ailleurs en ce moment avec Sarkozy qui ne cesse de se présenter comme le candidat de la rupture. En substance, la droite américaine, mais aussi ailleurs, leur dit, ou leur susurre, à ces gens des catégories populaires, il y a trop d'impôts pour aider les minorités, les étrangers, trop d'immigrés sur le marché du travail et dans les cités, trop de laxisme judiciaire, trop d'insécurité, trop de décadence morale et de déclin de la famille, trop de mépris de la part des intellectuels, des sociologues et des artistes, qui, bien à l'abri de tout et de tous, vous infligent des leçons de tolérance. Et au lieu d'imputer leur revers de fortune aux riches, certains de ces Américains, blancs, pour la plupart, vont en juger responsables les Noirs ou les nouveaux immigrants, qui eux deviennent trop proches d'eux, à la fois socialement, en termes de rémunération, de qualification, puisque leur univers social ne connaît plus la progression, puisque la mobilité sociale par le haut s'est interrompue, et géographiquement, en venant dans leur habitat, dans leur quartier. Car à partir des années 60, les coûts des politiques d'extension de la citoyenneté aux Noirs et aux autres minorités, les coûts de la mondialisation et des délocalisations aussi, vont peser aux États-Unis principalement sur les épaules des ouvriers et des employés sans diplôme. Ce sont eux pas les journalistes, pas les professeurs, pas les cadres supérieurs, pas les artistes, qui ont des noirs pauvres et des immigrés de fraîche date pour concurrents sur le marché de l'emploi, eux qui vivent dans des quartiers adjacents au ghetto, eux dont les enfants ont le plus de chances, entre guillemets, de fréquenter des écoles publiques qui accueillent des enfants immigrés en retard scolaire, écoles qui sont presque toujours de mauvaise qualité. Le succès de la droite américaine va s'alimenter de ce ressentiment. Sans avoir à le dire, elle va faire du combat contre la puissance publique les armes d'une double mobilisation. Mobilisation contre les prestations sociales versées aux pauvres, souvent noirs et immigrés. Mobilisation contre les politiques gouvernementales qui, via l'éducation, le logement, le transport scolaire, l'emploi, vont contraindre certains blancs, en particulier quand ils sont d'origine populaire, en particulier quand leur espoir de promotion sociale s'est évanoui, à vivre au contact d'un sous-prolétariat stigmatisé. La crise et le déclassement social vont attiser ce ressentiment. Et quand les murs se referment sur eux, les gens se retournent les uns contre les autres. Pour une partie de l'électorat populaire, ouvriers, ruraux, aux États-Unis, mais aussi ailleurs, la gauche s'est embourgeoisée. Elle s'est éloignée d'eux. Elle a cessé de les protéger. Elle a cessé de parler pour eux. Elle a privilégié les exclus, toléré les voyous. Elle s'est enfermée dans la bureaucratie, l'expertise, l'université, le journalisme, l'intelligentsia. Au demeurant, elle pratique beaucoup une forme de mépris culturel pour les loisirs et les traditions populaires, dont aux États-Unis la chasse, ce que Bourdieu a appelé le racisme de l'intelligence. Et sans doute, c'est là le prix de l'embourgeoisement de la gauche, de ses responsables en particulier. On parle aux États-Unis de progressistes en limousine, on parle en France de gauche caviar. Et lorsqu'il était en navette permanente dans son avion privé, entre ses 5 maisons et manoirs, John Kerry en était à sa façon le symbole. John Kerry, candidat du Parti démocrate en 2004, sénateur le plus riche d'un club, le Sénat, qui est déjà un club de gens riches. Pire, quand on fait un reproche à cette gauche officielle, que répond-elle ? Elle dénonce le populisme. Elle essaie de transformer en pathologie racisme, paranoïa, manque de culture, repli sur soi, le rejet que suscitent ces discours aussi généreux qu'hypocrites. Un rejet d'autant plus vif que le contexte social se dégrade pour des catégories populaires qui n'ont plus de raison d'avoir confiance en l'avenir. Or, les gens n'aiment pas qu'on les traite de racistes ou d'imbéciles quand ils soupçonnent que d'autres motifs que cela les animent. La droite va s'engouffrer dans la brèche. Elle se veut populaire. Nicolas Sarkozy est le patron de l'Union pour un mouvement populaire, même s'il y a très peu de gens d'origine populaire dans son mouvement. Elle se veut populaire et elle se veut anti-élitiste. Et le discours anti-élitiste est un discours permanent de la droite américaine comme de la droite française. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour la droite belge. Sans doute pour l'extrême droite, en tout cas. Elle capitalise sur le ressentiment des petits blancs en matière de mœurs, de sécurité, d'éducation, d'immigration, de sexualité. Elle va occulter en permanence la dimension sociale des problèmes qu'elle va manipuler. Et simultanément, elle va fustiger ce que l'historien américain Christopher Lash appelait l'arrogance haineuse des artistes, des journalistes et des experts, le mépris aristocratique et branché envers tous ceux qui sont paumés ou qui tout simplement ne sont plus dans le coup. La droite va s'adresser aux gens un peu désorientés et mécontents à qui elle offre des clés d'analyse relativement séduisantes. Quand on est ouvrier ou petit employé blanc, dans les années 70 ou 80 aux États-Unis, la famille, la propriété dans un quartier où il n'y a pas trop de pauvres, pas trop d'insécurité, on y tient d'autant plus qu'on n'a pas grand-chose d'autre à quoi se raccrocher. Et que les possibilités de mobilité sociale par le haut paraissent désormais bouchées. On n'en veut pas trop aux riches ou aux classes moyennes, qu'on rêve de pouvoir rejoindre là où ils se trouvent, mais on en veut aux pauvres et aux étrangers. Eux, on craint de les voir arriver là où on réside. Et dans le cas des États-Unis, on en veut d'autant moins aux riches que l'ignorance de la structure sociale, de la composition sociale du pays, c'est pratiquement l'un des charmes des Américains. Ils ne connaissent pas du tout la réalité sociale du pays dans lequel ils vivent, à tel point que quand vous demandez aux Américains « Appartenez-vous aux 1% d'Américains les plus riches ?», vous avez 19% d'Américains qui vous répondent « Oui ». Et 20% d'Américains qui vous répondent « Pas encore ». Ça veut dire que 39% d'Américains se sentirait visé par un programme promettant ou menaçant de s'en prendre aux riches. Cette explication ne vaut pas seulement pour les États-Unis. Interrogé à l'Élysée le 14 juillet 2004, Jacques Chirac a joué de ce registre opposant les petits salariés aux chômeurs et aux assistés. Pas du tout les détenteurs de revenus du travail aux détenteurs de revenus du capital, bien sûr, mais les petits salariés aux chômeurs et aux assistés. Il a expliqué, je le cite, « Il y a un nombre croissant de Français qui travaillent souvent beaucoup, dans les classes dites travailleuses, heureusement nombreuses, qui ont le sentiment de payer toujours plus pour des gens qui ne travaillent pas. » Fin de citation. Vous vous souvenez sans doute, en tout cas vous avez peut-être entendu parler, d'un de ses discours beaucoup plus discutables encore, qu'il avait prononcé le 19 juin 1991, quand il expliquait « Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes, et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais, des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier, à côté de son HLM entassé, une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Bien sûr que non. Qui aurait pu y penser? Je remarque que la thématique, lorsqu'on a eu la question de l'irruption des banlieues, le fait que la thématique de la polygamie ait surgi avec une telle force et ait été aussitôt reprise par la droite, montre que naturellement elle sait ce qu'elle fait. Autant dire que le conflit social est déplacé. Il ne s'agit plus d'opposer travail et capital, mais travailleurs et chômeurs. Et les médias n'ont cessé de jouer de ce registre. Un peu comme lors des jours de grève, ils opposent les grévistes corporatistes et les usagers pris en otage. On se demande si parfois les usagers font grève. Il peut leur arriver dans leur entreprise de faire grève. On a l'impression que ce sont deux catégories complètement étanches. Vous avez les grévistes corporatistes d'une part et les usagers qui sont pris en otage par ces grévistes. En somme, les trois explications que j'ai évoquées, la crise, le travail intellectuel des néolibéraux, et le travail politique de la droite se conjuguent. Et elles ne suffisent que quand on les conjugue. À partir des années 70, la situation économique et sociale se dégrade. Les intellectuels de droite expliquent cette situation à leur manière. La gauche, ou ce qui en tient lieu, perd une partie du peuple. Les explications se conjuguent parce que, sans problème à résoudre, inutile d'élaborer des solutions de rupture avec l'ordre existant. Mais, en même temps, sans base sociale pour faire passer ces solutions, les idées néolibérales auraient vraisemblablement constitué des cartons d'archives examinés aujourd'hui par des chercheurs en sciences sociales en mal de sujet de thèse. Une fois activée la machine à produire des politiques impensables 20 ans plus tôt, une fois que les États-Unis et le Royaume-Uni ont basculé dans le néolibéralisme, le reste du monde occidental est davantage tenté de suivre. Surtout dès lors que les partis qui autrefois symbolisaient la gauche et un autre projet de société que celui du marché abandonnent leur électorat et se rallient aux priorités du capital au nom du « et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, moi aussi » ou autre théorisation d'impuissance. Enfin, les organisations économiques internationales, OCDE, Fonds monétaire international, Banque mondiale, vont s'employer à faire du consensus de Washington, mais du nouveau consensus de Washington, de celui des années 80, des préceptes de l'école de Chicago, les nouveaux évangiles. Ils vont s'employer à construire ce que Noam Chomsky a appelé le paradis des maîtres. En somme, quand un théâtre est en feu, on se précipite vers la direction que nous annonce celui qui crie par ici la sortie. On n'a pas le temps de réfléchir. À la fin des années 70, la crise économique semble être ce feu qui se déclenche. Les personnes qui hurlent leur conseil de sortie sont les libéraux. On les a suivis. Mais pour la plupart de ceux qui l'ont fait, ce ne fut pas la sortie, mais au contraire un incendie plus grand encore que celui auquel ils espéraient échapper. Et nous ne sommes pas tout à fait sortis de cet incendie. Merci. Merci. Vous écoutez Microcité sur Radio Panique, une conférence donnée par Serge Halimi en novembre 2005. Bon, voilà, ben, le moment est venu de prendre la parole pour poser des questions ou pour revenir sur d'autres aspects du débat, puisque Serge Halimi a dit tout à l'heure qu'il était prêt à parler de tout à partir de maintenant et dorénavant. Oui. Moi, je voulais savoir, en fait, si vous ne pensez pas que le traitement par les médias de la question de l'insécurité au sens large, concourt également de manière indirecte à l'émergence du mouvement néolibéral. Je m'explique un peu. Lorsqu'on parle d'insécurité de manière générale, on réduit totalement cette insécurité aux questions de délinquance. Donc il y a souvent un lien qui est fait avec les questions de bande de jeunes, avec des sujets, avec le racket, avec les hijacking, toute une série de termes comme ça qu'on crée, qu'on invente. Il y a également une idéologie, je pense, qui s'est créée au cours des 10 dernières années, voire des 20 dernières années, par rapport à cette insécurité. Peut-être pour éviter de donner l'impression d'excuser les actes ou de remettre dans un cadre plus large, éviter toute référence aux problèmes de logement, aux problèmes de scolarité et à des problèmes sociaux plus profonds. Oui. Juste sur cette question, il y a évidemment les intentions politiques de ceux qui insistent sur l'insécurité physique et qui occultent la réalité de l'insécurité sociale. Et ces intentions politiques peuvent être relayées par les médias. Mais la chose qui est difficile, c'est qu'en réalité, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait une intention politique pour que les médias traitent des questions d'insécurité. Ils en traitent de manière presque naturelle pour trois raisons. D'abord, c'est moins cher. Il n'y a pas une information qui soit plus facile à traiter, moins coûteuse, que d'envoyer une voiture de journalistes qui écoutent les radios en continu pour savoir ce qui se passe, etc., sur les lieux, d'interroger une victime d'un acte de violence qui vous dira que c'est terrible, etc., etc., d'interroger le responsable de la police qui vous dira qu'ils vont pincer les malfaiteurs, de revenir chez vous, à la radio ou à la télévision, de faire votre bobino. Ça coûte pas cher. Ça se fait très très vite, ça coûte pas cher. Donc ça, c'est important. C'est la première considération qu'il faut avoir à l'esprit. La deuxième considération, c'est que cette information rapporte. Elle rapporte parce que l'audience que vous rencontrez, l'audimat pour des informations de faits divers, est presque toujours très supérieure à l'audimat que vous rencontreriez pour un reportage sur ce qui se passe, la situation économique ou sociale d'un pays étranger, alors même que si vous deviez faire une enquête sur ce qui se passe pour un pays étranger, etc., ça vous coûterait beaucoup plus cher. Il faudrait avoir un correspondant permanent, etc. Donc là, vous avez, ça coûte moins cher, ça rapporte plus en termes d'audience, et dernière considération, ça peut se faire sur un espace de temps plus court. Or, on le sait, dans tous les journaux télévisés, depuis une trentaine d'années, le temps moyen de chaque sujet s'est effondré. Avant, on pouvait voir des sujets qui duraient 4 minutes, 5 minutes. Maintenant, le sujet long, c'est 1 minute 50. Parfois, ce sont des sujets de 50 secondes. Or, vous ne pouvez pas traiter de la situation économique du Brésil en 50 secondes. C'est pas possible. Il faut d'abord dire aux gens où c'est le Brésil. Il faut ensuite dire aux gens qui est le président du Brésil, quel est le contexte politique du Brésil, quelles sont les forces sociales au Brésil. Tout ça, ils ne le savent pas. Et ils le savent d'autant moins que vous ne l'avez pas traité dans les années précédentes. Qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un stock de connaissances sur le sujet. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas évoqué du tout des mouvements de contestation qui sont passés à Seattle, à Gênes, et de nouveaux modes d'opposition à ce qui se passe comme libéralisation féroce, que ce soit l'organisation sociale au Brésil, dans certaines provinces, ou au Mali, ou dans d'autres endroits. Donc ça, c'est la surprise. Et ma question, c'est, est-ce que vous croyez qu'il y a des modèles alternatifs qui sont en train de naître en termes de résistance par rapport à ce système? Donc vous évoquez les modèles alternatifs en train de naître. Effectivement, on constate depuis une dizaine d'années, en tout cas en Europe, peut-être beaucoup moins aux États-Unis, que le discours libéral passe moins facilement qu'avant. Et que ce qu'on appelait la pensée unique est moins qu'avant la pensée unique. Il y a une pensée alternative qui a en quelque sorte constaté les impasses du néolibéralisme. Et il faut dire qu'un certain nombre de crises ont quand même été assez éclairante de ce point de vue-là, la crise de 97-98, où vous avez à la fois, en quelque sorte, la faillite de l'économie russe, la faillite d'économie en Asie du Sud-Est, la faillite d'économie en Amérique latine, tout ça en même temps, ça a été une leçon de vérité. Et puis après, vous avez eu la chute, l'effondrement des valeurs Internet, et puis vous avez l'expérience que les gens font de ce que ces réformes néolibérales entraînent, impliquent dans leur existence. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'une des choses les plus importantes quand on parle des médias, de l'idéologie, etc., et qu'on dit « mais que faire ? Comment peut-on faire quoi que ce soit avec les médias qui contrôlent tout ?» Il faut voir qu'il y a quand même un média que les médias ne contrôlent pas, c'est notre expérience sociale. Notre expérience sociale nous indique un certain nombre de choses sur le monde réel, sur le monde vivant, qui sont parfois pour nous plus convaincantes que ce que disent les éditorialistes. Et sinon, d'ailleurs, on ne comprendrait rien au fait que, par exemple, 55% des Français aient voté non lors du référendum sur la Constitution européenne, alors que 99% des médias, peut-être 99,5%, je n'ai pas fait exactement le calcul, étaient favorables au oui. Et on a vu d'ailleurs le changement par rapport à Maastricht en 92. Les médias étaient mobilisés, mais ils ont réussi à gagner d'extrême justesse. Quelques années plus tard, c'est sans doute l'expérience sociale qui a fait que les gens se sont dit « mais cette Europe dont vous nous dites, c'est la paix, la prospérité, etc. » Bon, la paix, ça fait longtemps qu'on est au courant, merci. Quant à la prospérité, on ne la voit pas venir. Donc je crois que ça, cette dimension-là, est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'envisager des alternatives. Ça n'est pas uniquement un travail intellectuel. Il faut à chaque fois, effectivement, associer le travail intellectuel et les conditions sociales et les conditions économiques qui font que ce travail intellectuel a un public ou n'en a pas. Et si l'expérience d'Hayek, si l'expérience des ultralibéraux nous a montré quelque chose, c'est que pendant des années, ça n'avait pas d'écho. Ils pouvaient s'exprimer dans des salles vides, ils étaient quelques-uns, bon, qui communiquaient entre eux, pas par Internet, parce que ça n'existait pas, mais par voie de courrier, qui se réunissaient une fois par an, pour essentiellement fulminer, marmonner, c'est foutu, il y a toujours plus d'État, il y a toujours plus d'impôts, on n'y peut rien, mais bon, on reste là, nous serons toujours là, et un jour on gagnera. C'était ça, en quelque sorte, leur fonctionnement. Et s'ils l'ont emporté, c'est qu'il y a un moment où quand même les circonstances historiques et sociales ont été à leur rencontre. Donc quand on analyse les modèles alternatifs, le fait que le modèle existe est une chose, mais le fait qu'il puisse être reçu comme nécessaire par une partie de la population en est une autre. Et il est d'autant plus reçu comme nécessaire que les conditions d'existence d'un certain nombre de gens se dégradent, mais aussi que les conditions de réalisation de ces modèles apparaissent moins chimériques qu'avant. On vient de le voir d'ailleurs, il y a un exemple qui me paraît assez intéressant avec le congrès du Parti Socialiste en France. Pendant très longtemps, enfin, en tout cas dans les années 80, lorsque le Parti Socialiste perdait le pouvoir, il ne cessait de se prévaloir de sa gestion orthodoxe et du fait qu'il avait montré qu'il savait gérer le système capitaliste aussi bien, voire mieux, que la droite elle-même. Et ça a été le discours des socialistes en 93, lorsqu'ils ont été complètement écrasés aux élections. Ça a été aussi le discours en 86. Ils disaient, vous voyez, on n'est plus les socialistes d'autrefois, marxistes, radicaux, machin, etc. On a retenu nos leçons, et nous, maintenant, on est proche des chefs d'entreprise, on est donc moderne, on peut donc revenir au pouvoir. Ce système, on a montré qu'on pouvait le gérer aussi bien que les autres. Ça n'est plus du tout le discours qu'on entend. Je ne dis pas que la pratique sera adapté au discours qu'on entend. Mais le discours qu'on entend, c'est « si nous revenons au pouvoir, on fera autre chose ». On fera autre chose que ces politiques libérales menées par la droite, ces politiques néolibérales menées par la droite, auxquelles nous-mêmes nous avons consenti trop longtemps. Et vous avez donc des dirigeants socialistes qui vous disent aujourd'hui ce qui est nouveau, qui vous disent, alors je ne sais pas s'ils le feront, mais qui vous disent « si nous revenons au pouvoir, nous renationaliserons EDF ». Je rappelle que la doctrine des socialistes, quand Mitterrand a été réélu en 88, c'était le nini. On ne privatisera pas, mais on ne nationalisera pas. Et la réalité, ça a été le ni, mais on privatisera quand même. Bon, là, maintenant, il y a un discours qui est différent. Et ce discours qui est différent tient, à mon sens, à l'existence d'une demande d'autre chose et à la perception qu'un modèle alternatif, sinon est crédible ou vraisemblable, etc., est nécessaire et qu'il faut s'en donner les moyens. Dans le cas de l'histoire de la gauche française, l'évolution historique est très intéressante et très, très parlante. Jusqu'aux années 80, entre 1920 et 1980, à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, elle se dit « il faut que je fasse quelque chose que je n'avais pas fait la fois précédente ». Et c'est parce que je n'avais pas fait quelque chose la fois précédente qu'on s'est planté. C'est vrai que la gauche française s'est plantée un certain nombre de fois. Donc, dans les années 30, elle se dit « on s'est planté au nom du cartel des gauches parce que la Banque de France est restée contrôlée par les 200 plus gros actionnaires et qu'elle n'était pas entre les mains de la puissance publique, qu'on n'a donc pas pu avoir de politique monétaire digne de ce nom, qu'on a été étouffé financièrement, et c'est ce qui explique le retour de Poincaré. Conclusion, quand on revient au pouvoir, on contrôlera la Banque de France. » Et c'est ce qui se passe en 1936. La Banque de France devient une banque semi-publique. Bon, mais ça ne suffit pas. 1936 n'est pas non plus une réussite absolue, même si un grand nombre de conquêtes, beaucoup plus importantes qu'en 1924, vont intervenir. Mais là, j'insiste là-dessus, ces conquêtes de 1936 vont devoir presque tout à la mobilisation sociale, aux grèves de juin 1936. Parce que lorsque la gauche arrive au pouvoir en France, en 1936, en mai 1936, avec Blum, avec les radicaux et avec le soutien du Parti communiste qui ne participe pas au gouvernement, elle arrive au pouvoir sur la base d'un programme dans lequel il n'y a pour ainsi dire rien en termes de réforme de structure économique et sociale. Il n'y a pas les congés payés, il n'y a pas la semaine de 40 heures. Quelques mois plus tard, les congés payés sont votés presque à l'unanimité par l'Assemblée nationale et la semaine de 40 heures aussi. C'est-à-dire à la fois par la gauche, qui n'avait pas ça dans son programme, et par la droite, qui se présentait contre la gauche en la trouvant trop à gauche. Eh bien là, il va y avoir l'unanimité sur des réformes qui n'étaient pas dans le programme de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu les grèves de juin 1936. Et parce que les grèves de juin 1936 ont tellement fait peur aux possédants, au patronat et aux intérêts que défend la droite, qu'ils ont dit, en quelque sorte, il faut qu'on cède tout de suite. Il faut qu'on cède le maximum pour que le retour à l'ordre intervienne. Et ça permettra au gouvernement de gauche de légiférer un certain nombre de mesures qui ne figuraient pas dans son programme. Bon, donc là, on voit quand même ce qui se passe. 1936, ces conquêtes sociales qui s'ajoutent à celles qui étaient en quelque sorte nées de l'échec de 1924. Mais ça ne suffit pas. On estime que la politique économique et sociale de Léon Blum ne réussit pas, qu'il a beaucoup hésité à propos de la planification et de la nationalisation, etc. Leçon retenue la fois suivante. 1945, 1944, 45, 46, la gauche est au pouvoir, en tout cas dans un gouvernement tripartite, eh bien on va nationaliser. Il va y avoir une grande vague de nationalisation. Il va y avoir le lancement de la planification. Il va y avoir l'intervention de l'État, la création de la sécurité sociale. Tout ça, ce sont des choses nouvelles qui n'existaient pas au moment du Front populaire, qui existaient encore moins en 1924. Et donc, nouveau progrès. On a à nouveau avancé. 1980 intervient. C'était pas suffisant, les nationalisations. On ne contrôlait pas assez les banques. C'est la nationalisation de l'ensemble du crédit. C'est la nationalisation des plus grosses entreprises françaises. Donc là, on peut dire que jusqu'en 82, à peu près, puisque les nationalisations interviennent en 82, on est toujours sur la même ligne. D'un État qui ajoute aux instruments dont il disposait déjà de nouveaux instruments qui lui permettent d'équilibrer la puissance du capital. Et puis, à partir de 82-83, c'est l'inverse. C'est la gauche elle-même qui, non contente de ne pas ajouter aux armes dont elle dispose pour équilibrer la puissance du capital, va sacrifier ces armes-là, non seulement celles de 81, mais celles aussi acquises en 44-45, mais celles aussi acquises en 36, mais celles aussi acquises à partir de l'expérience de 1924, va les sacrifier les unes après les autres. C'est l'abandon de la politique monétaire qui est donc livrée à une banque centrale indépendante. C'est le système, c'est la multiplication des privatisations. Donc là, on a en quelque sorte quelque chose qui rend de plus en plus difficile d'envisager des solutions de type keynésienne, à supposer même qu'elles soient viables ou souhaitables, etc. C'est pas ma question à ce stade. Qui rend de plus en plus difficile d'envisager ce genre de remède, parce que les instruments qui permettaient ce genre de remède ont été cassés, les uns après les autres. Alors il est évident qu'on ne peut plus envisager de politique keynésienne, à supposer encore une fois que ce soit souhaitable, si on ne récupère pas ces instruments. ou si on n'en construit pas de nouveaux. Il est évident que si vous acceptez le libre-échange, si vous pensez que le libre-échange n'est pas négociable, qu'il faut rester dans l'OMC, accepter les accords de l'OMC, si vous pensez que la Banque Centrale Européenne doit déterminer l'évolution de la politique monétaire, si vous pensez que le secteur privé doit rester ce qu'il est, que les entreprises nationales doivent être de plus en plus réduites et vendues au privé, après, cessons de parler d'alternative. Elle n'est pas possible. Qui veut la fin veut les moyens. Or, ces moyens-là ont été détruits. Et en un sens, c'est comme ça que fonctionne la logique libérale. La logique libérale, c'est la logique du corridor. Vous êtes dans un corridor, vous avancez. Et puis, derrière vous, une porte se ferme. Et elle se ferme à double tour, elle est verrouillée. Donc vous devez avancer un peu plus. Une nouvelle réforme libérale. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, ça a été détruit, les instruments ont été détruits. Et vous avancez. Une nouvelle porte se ferme, vous avancez, vous avancez, vous avancez. C'est la chanson de Souchon, on avance, on avance, on avance. On n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, alors il faut qu'on avance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Créer en quelque sorte les instruments ou la logique de l'éternité du système, qui deviendra de plus en plus, en quelque sorte, irréversible, parce qu'on ne pourra pas imaginer autre chose dès lors qu'on a détruit progressivement tous les instruments qui permettaient de faire autre chose. Bon, alors ça peut être une présentation qui a l'air pas très optimiste, apocalyptique. À ceci près, que j'évoquais dans le cas du Parti Socialiste français, des formations politiques maintenant disent, bon, et c'est le Parti Socialiste qui n'est pas une formation révolutionnaire, comme tout le monde le sait, disent, nous on ne veut plus avancer. Et puis il y a une porte qui est fermée derrière, et bien on va essayer de la rouvrir. Par exemple, on renationalisera, pour ne prendre que cet exemple, on renationalisera EDF. On reviendra sur les politiques de réforme, entre guillemets, concernant les retraites qui ont été développées par Raffarin et par Fillon. Mais ça, c'est un discours relativement nouveau. Alors, est-ce qu'on se dit « c'est impossible » Non, c'est pas impossible. Parce que les systèmes économiques et politiques ont tous, en quelque sorte, pour objectif d'assurer leur éternité, d'assurer leur pérennité, de créer les conditions qui leur permettront d'être plus forts à l'avenir. Et on le voit évidemment avec le système capitaliste, vous privatisez, vous obligez chacun ou vous induisez dans chacun l'envie d'avoir sa télévision personnelle, son téléphone portable, bon, et puis les gens fonctionneront de plus en plus comme des individus, comme des monades. Bon. Et effectivement, dans les conversations publiques, y compris de gens de gauche, c'est « Et toi, c'est quoi ta compagnie de téléphone ? Et c'est quoi ton portable ?» etc. Et on verra, en quelque sorte, la contamination d'un discours privé de consommateurs dans nos existences. On fonctionnera de plus en plus comme des consommateurs, dont le seul objectif est de maximiser en permanence ses dépenses et l'utilisation de son revenu. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette situation-là n'a rien de très original. Tous les systèmes fonctionnent comme ça. Toutes les dictatures, les systèmes totalitaires, les systèmes non totalitaires ont envie de durer aussi longtemps que possible. Et quand on les analyse, avant qu'ils ne s'écroulent, on se dit « ils ne sont pas prêts de s'écrouler ». On ne se dit pas que la monarchie absolue va s'écrouler en 1788. À l'époque, personne ne pense à la République. Non seulement personne ne pense à la République, mais la République n'a jamais existé. Enfin, c'est une conception philosophique. Il n'y a pas de République en France, il n'y a pas de République autour. Bon, et pourtant, 4 ans plus tard, c'est la République. Non seulement il n'y a pas de République en France, il n'y a pas de République autour, il n'y a pas de débat public digne de ce nom, c'est la monarchie absolue, c'est le pouvoir de droit divin, et au service de ce pouvoir de droit divin, il y a les médias de l'époque, c'est-à-dire le clergé. Plus efficace encore peut-être que les médias d'aujourd'hui. Et pourtant, en dépit de tout ça, ça s'écroule. De la même manière, personne ne peut imaginer que le pouvoir tsariste va, quelques mois plus tard, donner naissance à une république d'abord bourgeoise et puis ensuite à la révolution bolchévique. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut conserver à l'esprit, à la fois la possibilité pour le système de créer les conditions de son éternité et le fait que cette tentation est la tentation de tous les systèmes, y compris de ceux qui se sont écroulés depuis longtemps. C'était Microcité, qui vous proposait d'écouter des extraits d'une conférence donnée par Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique, le 23 novembre 2005, dans le cadre du Festival des Libertés. Outre Le Grand Bond en arrière, paru chez Fayard, duquel était tiré le thème de cette conférence, Serge Halimi est aussi l'auteur notamment de « Les nouveaux chiens de garde » chez Raison d'agir et de « L'opinion, ça se travaille » en collaboration avec Dominique Vidal, en cours de réédition chez Agon. À bientôt. C'est micro-cité. Oui, c'est micro-cité. Thank you.